Garde, toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL. Donc nous avons abrégé rapidement notre ton musical pour poursuivre avec la revue de presse qu'a préparé François. François, un rapport de l'ONU-SIDA indique qu'un meilleur accès au traitement a eu un effet spectaculaire sur la survie des malades partout dans le monde et permet maintenant d'envisager le contrôle de l'épidémie du SIDA. Oui, alors ce nouveau rapport en fait, du programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA indique également que les nouvelles infections à VIH et les décès liés au SIDA sont tombés à leur plus bas niveau depuis le pic de l'épidémie en 1997. Les nouvelles infections annuelles ont diminué de 21% depuis 1997 et les décès liés au SIDA de 21% depuis 2005. Mm-hmm. Alors, selon les estimations de l'ONU-SIDA et de l'Organisation mondiale de la santé, 6,6 millions des quelques 14,2 millions, soit 47% des personnes éligibles au traitement, avaient accès à la thérapie antirétrovirale en 2010, soit une augmentation de 1,35 million depuis 2009. Et le rapport souligne également qu'il existe des signes avant-coureurs indiquant que le traitement du VIH a un impact important sur le nombre de nouvelles infections. À cet effet, des études récentes révèlent par exemple que le traitement peut être efficace jusqu'à 96% pour prévenir la transmission du VIH au sein des couples qui sont sérodiscordants, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est séropositif et un séronégatif. Et de plus, on sait qu'un séropositif sous traitement est beaucoup plus, en fait, est beaucoup moins infectieux qu'un qui ne l'est pas. Mm-hmm. Alors, c'est pourquoi les autorités médicales recommandent aux personnes à risque de subir un test de dépistage, car ce sont les séropositifs qui ignorent leur statut, qui constituent maintenant un des principaux vecteurs de la contamination de la maladie. Et donc, finalement, c'est quand même des bonnes nouvelles. Oui, et pour la première fois, l'institution évoque la possibilité de mettre fin à l'épidémie, en fait, à condition, évidemment, que les efforts consentis, particulièrement les financements en période de crise, se poursuivent entre 2011 et 2015. À partir de cette date, l'ONU-SIDA estime que les besoins devraient décroître. Mm-hmm. Alors, c'est un constat, évidemment, très encourageant. Espérons seulement que, devant un tel constat, les autorités ne baisseront pas les bras et qu'elles ne sabreront pas non plus dans les budgets alloués à la lutte contre cette maladie, parce qu'il y a encore beaucoup à faire avant de crier victoire. Parce que dans certains pays, bon, évidemment, on sait comme en Iran, où encore les autorités ne reconnaissent même pas qu'il y a des homosexuels, je pense qu'on ne doit pas peut-être se préoccuper beaucoup de cette question-là. Mm-hmm. Là. Alors, c'est la même chose aussi dans plusieurs pays musulmans, l'Inde ou la Chine. Mm-hmm. Donc, ça reste quand même un sujet assez tabou probablement dans ces pays-là. On va passer du coq à l'âne pour parler de physique quantique. Tu vas nous plonger dans le monde des neutrinos. Il y a des nouvelles mesures réalisées sur la vitesse des neutrinos par le groupe de recherche OPERA qui confortent leurs observations. Ces particules iraient plus vite que la lumière. Ça, c'est quelque chose d'information qui est tombée plutôt cet automne. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on en avait déjà parlé à Futur 5 d'ici il y a peut-être 5-6 semaines, mais il y a eu des développements, effectivement. Alors, parce que en fait, on disait effectivement que les neutrinos voyageaient plus vite que la lumière, mais qu'il fallait quand même refaire des mesures. Alors, les nouvelles mesures menées par les chercheurs de l'expérience OPERA confirment que leurs précédents résultats sur la vitesse de déplacement des neutrinos, enfin, ces particules fantômes voyageraient plus vite que la lumière. Alors, annoncé à la fin septembre, les résultats de cette expérience menée au laboratoire du Gran Sasso en Italie ont provoqué étonnement, stupeur et agitation dans la communauté des physiciens. La vitesse de la lumière est une théorie est en théorie une limite infranchissable, à moins que l'on remette en question en fait les piliers de la physique, principalement la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Rappelons, Valérie, que ces particules sont fabriquées par le CERN à la frontière franco-suisse en bombardant une cible de graphite sur un faisceau de protons et ils voyagent jusqu'au réacteur OPERA à 730 km de là, dans la croûte terrestre. Oh ben c'est profond, ça, 730 km. C'est la distance, 730 km, c'est sous la croûte terrestre. Ouais, d'accord. Et est-ce que les nouveaux résultats donc ont fait consensus dans l'équipe de recherche? Au sein même du groupe OPERA, en fait, qui est une collaboration internationale qui regroupe environ 160 chercheurs, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord pour rendre public des conclusions aussi révolutionnaires. Des sources d'erreurs faussant, en fait, les calculs auraient pu échapper à l'analyse et par le fait même discréditer complètement l'équipe de chercheurs. Et pour donner une explication à ces 60 nanosecondes d'avance des neutrinos sur le temps de parcours théoriques des photons sur la même distance. Alors, parmi les critiques méthodologiques émises à l'égard des travaux présentés le 23 septembre par Dario Aoterio de l'Institut de physique nucléaire de Lyon, en fait, une concerne l'imprécision sur le moment précis du départ des neutrinos. Alors, pour réduire l'incertitude liée au départ des neutrinos, de nouvelles mesures ont été réalisées fin octobre, début novembre, avec des bouffées de protons plus courtes. On parle de bouffées d'environ 3 nanosecondes. 1 nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde. Séparées les unes des autres par des intervalles de 500 nanosecondes. Au total, 20 passages de neutrinos ont pu être observés. Les résultats sont comparables aux précédents. Les neutrinos ont toujours 60 nanosecondes d'avance sur les protons, sur les photons, c'est-à-dire. Ça, c'est intéressant parce que non seulement ils observent encore cette avance, mais l'avance est la même. Exactement. Alors, ces nouveaux résultats viennent compléter les travaux déjà publiés sur le site partage.arxiv.org. Et la soumission d'un article à un journal scientifique à comité de lecture, comme Nature ou Science, ne fait pas toujours l'unanimité au sein du groupe OPERA. Ah. Alors, ces mesures supplémentaires ne mettent pas fin aux recherches et aux débats. Certains tentent toujours de trouver la faille dans l'analyse qui aboutit à ce dépassement de la vitesse de la lumière. D'autres cherchent des explications au phénomène. D'autres, enfin, en fait, inventent une nouvelle physique. En tout cas, on va voir dans les années à venir quels vont être les développements. Oui. C'est peut-être le début de quelque chose de tout nouveau, ou alors on va trouver la faille dans la mesure, dans la méthodologie elle-même. Effectivement. Donc, merci à François pour ces deux nouvelles de l'actualité scientifique récente. Donc, on va faire maintenant une pause publicitaire et au retour, nous recevrons le docteur Frédéric Sériès. Il nous parlera de l'apnée du sommeil. Vous êtes sur CKRL au 89,1.